Selon des informations, les bellicistes américains et sud-coréens ont effectué de force le 7 courant l'installation supplémentaire des rampes de lancement de SAD et autres équipements intéressés, en dépit de la protestation et de la condamnation de toute la nation coréenne et de l'opinion publique mondiale.